Oh ma demla jama baoun, oh ba mwen manje non pa manje, quand a bouja ton on ma fait s'écler ma peau c'est la dan. Oh ma demla jama baoun, oh ba mwen manje non pa manje, quand a bouja ton on ma fait s'écler ma peau c'est la dan. Garçon calme se placé, pas pas trop aimer manger, moi pas mal équilibré, c'est ça y a marché chercher, garçon capé tes pensées, pour yo joignon débouché, pour yo al marché loinger, pour yal bon mené parler. Yo al marché loinger, ou y'a qu'on mène pas de. Oh ma de la jama baoul, oh ba mwen manje non pa manje, quand a bouja ton on ma pese kle, ma pe ou se la dan. Oh ma de la jama baoul, oh ba mwen manje non pa manje, quand a bouja ton on ma pese kle, ma pe ou se la dan. Quand a bougé ton on ma pese kle, ma pe ou se la dan. Oh ma de la jama baoul, oh ba mwen manje non pa manje, quand a bougé ton on ma pese kle, ma pou se la dan. De trois jours y'a l'kaye gangan, y'a l'amase pri kankan, pou yo mette non manje ou, yo disse pou yo chave ou, 4-5 jours son van fè mal, comme yo men non l'hôpital, yo di ka ou désespéré, wapé mou vivant en flé. Yo di ka ou désespéré, wapé mou vivant en flé. Oh ma de la jama baoul, oh ba mwen manje non pa manje, quand a bougé ton on ma pese kle, ma pe ou se la dan. Oh ma de la jama baoul, oh ba mwen manje non pa manje, quand a bougé ton on ma pese kle, ma pe ou se la dan. Quand a bougé ton on m'a baissé, ma poussée la dent.